Congélateur, on soignait pas bien les malades. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, il faut soigner les malades. Les malades ont aussi besoin de leur médecin. Mais il faut aussi, c'est ce qu'il disait Antonin Artaud, tu te rappelles la semaine dernière qu'on écoutait, qu'il faut soigner les médecins. Et soigner les soignants, parce que des fois, les soignants vont pas bien. Les soignants vont pas bien, qu'il faut former le soignant à guérir. Par contre, ce malade va pas bien. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut guérir ce malade. À toucher, à demander pourquoi il va pas bien. Il faut le toucher pour qu'il aille. Et là, Bastien s'élève et il va soigner tout le monde. Mais tu pourrais le soigner à tout le monde ici, à Bastien. Tu as un pouvoir de guérison incroyable. Parce que si vous avez la guérison, c'est aussi la guérison que vous apportez aux familles. C'est la guérison. Si vous avez eu la guérison, c'est qu'aussi la guérison, Dieu vous utilise pour apporter la guérison aux malades. Les malades étaient fatigués et chargés. Le malade était fatigué et chargé dans l'hôpital. Qui était la source de devoir guérir? L'aide-soignant ou le docteur ou le psychologue? Ou le psychologue, en tout cas. Faut guérir les trois, je dirais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense, c'est que la médecine est importante pour les gens qui sont malades. C'est important, mais vous apportez, précisez encore plus. Plus de précision, on peut dire qu'il y a, par exemple, des personnes âgées qui sont âgées, qui sont malades. Oui, et il y a des personnes âgées qui sont malades et qui ont du mal à marcher. Ouais. D'autres qui sont dans la baie, qui tiennent la béquille, d'autres qui tiennent la canne, d'autres qui marchent comme ça. Prends le micro. Et on prend le micro. Il faut les accompagner. En même temps, il y a des malades dans le Chirac, ils marchent avec la maladie de Vichy, il faut les accompagner. Tout ça, vice-versa, il y a besoin de docteurs. Il y a besoin d'ambulanciers pour transporter les malades. On est déjà en direct là, hein. Ils nous ont mis en direct un peu plus tôt. Il y a besoin d'ambulanciers aussi. Ouais. Et toi, les malades se sentaient mal, il y a les accompagner parce qu'ils ont la maladie. On va réécouter tout à l'heure, c'est ce qu'il dit Antonin Artaud sur tout ça, hein, parce que c'est intéressant qu'il fallait soigner le soignant, pas seulement les malades. Tu te rappelles qu'on écoutait ça, médecine et magie noire? La médecine et magie noire, oui. Hein, tu veux qu'on la réécoute un peu ça? Oui. Attends, on va voir si on peut l'écouter un peu. Attends, n'écoutez pas ça. Moi, j'écoute ici, mais ça passe pas. Attends. La médecine et magie noire, c'est parce que les gens avaient des problèmes avec le marabout à l'époque. Ils avaient des problèmes avec le marabout et avec la magie noire. Tu crois? Oui, mais Antonin Artaud, tu te rappelles qu'il disait que c'était le capitalisme qui faisait que le médecin était obligé d'avoir des malades, parce que s'il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de boulot. S'il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de boulot. Ouais. Il faut comprendre aussi. Oui, mais c'est pour ça qu'en antipsychiatrie, il parlait d'éliminer les hôpitaux, parce que les hôpitaux, c'était les lieux où on fabriquait de malades. Ah, c'était les lieux où on fabriquait de malades, ils ont annulé les hôpitaux. Mais on a besoin des hôpitaux. Eh, hey, bonjour Quentin. Tiens, bonjour Ernesto. Ça y est, tout le monde arrive là. Cool, bienvenue Quentin, bienvenue Ernesto. Prenez place là, il y a de place pour tout le monde. Prenez place. Moi j'essaye de mettre un peu ça. Ils avaient enlevé les hôpitaux. Bah, c'est-à-dire que oui, ils avaient postulé que les hôpitaux c'était la fabrique des malades. Ah, c'était donc, la fabrique du malade. Donc il fallait. Après, pour les guérir, ces malades. Il fallait enlever, donc, mais il ne fallait pas les exclure de la ville. Ah, tu n'allais pas les exclure de la ville. Non. Ils étaient exclus de la ville. Mais oui, les hôpitaux, tu une manière. Non, c'est pas normal, ça. Mais là, par exemple, le secteur, aujourd'hui, on a les CMP, les 7TP, l'hôpital, machin. Donc c'est une espèce. Le soin s'est fait dans la ville. Mais anciennement, c'était l'hôpital de Ville-Évrard, c'était à l'extérieur de la ville. Ah, c'était à l'extérieur de la ville, l'hôpital. Donc il fallait enlever le soi-disant malade de la vie commune. Il fallait enlever le malade de la vie commune. Et c'est pour ça. Non, c'est pas bien. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que ça a changé. Qu'est-ce que tu penses, toi, Bastien? D'enlever le malade de la vie commune, de le rejeter. Non, c'est pas mal de rejeter le malade. Les malades ont besoin d'être accompagnés. Si vous êtes médecin, c'est parce que vous êtes accompagnant des malades, de la vie du malade. Vous comprenez? Et quel est votre rôle de la guérison dans tout ça? Quel est le rôle de la guérison? quel est le rôle du médecin est d'apporter la guérison à ces gens qui souffrent. Ernesto, gens, tu peux y dire, vas-y, c'est toi une réponse. Ils ne comprennent pas quel était leur problème. Leur problème, c'est qu'il faut que ça se délivre. Il faut que ça guérisse. Attends, vas-y. Il faut que ça soigne. Il y a des structures qu'ils ont fait pour les personnes qui sont malades. Et les personnes qui sont malades, et ils se soignent. Par exemple, ils vont à l'hôpital. Il y a des dispensaires, comme il y a des dispensaires, il y a tout ça. Donc, il y a des pharmacies, il y a pas de souci au niveau de l'hospitalisation. On va essayer de mettre le texte d'Artaud, on va les réécouter, parce que c'était bien quand tu les commentais, mais j'arrive pas à les mettre sur l'ordi. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, Ernesto? Est-ce que tu penses quoi de la maladie ou de la guérison, de la santé? Parce que la guérison... Tu peux lui donner un autre micro? Attends, il y a un autre micro là. Parce que c'est obligé qu'on ait la guérison. Si on n'a pas la guérison de soi, si on ne se guérit pas, on ne peut pas aussi guérir les autres. Si le médecin ne nous apporte pas la guérison, après comment on peut avoir la guérison? Moi, je pense qu'il faut écouter les médecins, ils vont nous guérir et puis tout va aller mieux. Faut qu'on soit soigné, quoi. Et toi aussi, t'as besoin de te guérir. Oui. Si tu viens, c'est parce que t'es arrivé avant avec des difficultés. Maintenant, il faut que tu te guéris. Tout à fait. Il faut que tu trouves ta guérison. Tout tu comprends fait. Oui, je comprends. Ouais. Ou tu viens là pour être comme ça, non? Il faut dans ton métabolisme, il dit qu'il faut qu'à un moment, il faut que ça change. Tout à fait. Tu comprends? Oui, je comprends. Ouais. Bastien, prends le micro parce que sinon on ne comprend pas. Et c'est ça que tu peux chercher Antonin Artaud, médecine imaginaire sur UbuSound. On va écouter ça parce que c'était... Nathalie Artaud. Antonin Artaud. Tu veux mettre un peu de musique comment il t'appelle? Sanya, tu veux nous mettre un peu ta musique pour danser un peu le temps qu'on trouve les textes à discuter. Mais quelle musique? Celle que tu mets toujours, la musique serve. Prends la même. Bon, une autre. Attends, tu peux lui passer un autre micro, là, un autre micro. Il est là. Bastien, tu peux l'amener sur le micro. Vitamini samo daje guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba je Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja ćutim kao da sam idiot. Njena lista uvek ista, znači ništa turbo fort. Šatro sluša samo mene i još jednom ne znam kog. I na traku kad se penje, tebra izgleda ko Bog. Ja bih zimi da je grejem, ona kaže mi majo. Proteini, vitamini, samo da je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba je Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Šta moja beba radi sad? Radi guzu. Moja beba radi sad, radi guzu, radi guzu. Voilà, c'est bon. Cool. Bravo, merci beaucoup. Merci. Bravo. Fofana, tu veux faire un solo de marimba? Mm-hmm. super, super. On était en train de parler que pourquoi il n'y avait pas la guérison, c'est parce que la personne n'avait pas trouvé un but dans la vie. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital, c'est que les gens n'avaient pas un but de réussir. Et qu'est-ce que c'était ce problème? C'est que la personne n'avait pas un objectif concret dans la vie. Tu sais, dans la vie, il faut avoir un objectif de se guérir. On est tous venus de la maladie, mais on devait se guérir de la maladie. Pourquoi les gens se guérissent pas? Parce que les gens n'arrivent pas à se guérir aujourd'hui. Il faut se guérir, il faut utiliser sa tête. Les médecins favorisent la magie. Les médecins favorisent la magie. Irascibles. Des racines, comme il dit. C'est qu'ils en font. Qui en font? Il n'y avait pas eu de médecin. Il n'y aurait pas eu de médecin. Il n'y aurait jamais eu de malade. Il n'y aura jamais eu de malade. Par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi. Et c'était pas normal l'histoire de vivre les morts. C'était pas normal que les médecins vivent les morts. C'était pas normal du tout. Vas-y, comment t'es... C'était pas normal. Combien de fois elle favorisait les malades pour faire les morts? C'était pas normal. Ce qu'elle expliquait. Mais à un moment, il fallait guérir. Il fallait guérir les morts. Comme un asile d'aliénés, pour couver doucement la mort. Ah, pour pousser doucement la mort. C'était pas normal. Les morts. Cela a commencé 4000 ans madame. Avant Jésus-Christ. Ah, c'est pour... vous êtes aide-soignante, c'est pour vous. Thérapeutique de la mort longue. La mort lente. La médecine moderne. La médecine moderne. On se la. La plus sinistre et crapuleuse magie. La crapuleuse magie qui n'était pas normale. À l'électrochoc ou à l'insulinothérapie, afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi. Ces haras blonds d'hommes noirs. Ainsi, fantastiquement. Disponible et vide aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé Bardon. Bardon, oui. Livraison du barda de vivre aux exigences du non-moi. Aux exigences du monde noir. L'affre de mort dans lequel le moi tombe en flaque. Il y a électrochoc par lequel sans traumatiser. C'était pas normal qu'on traumatisait les malades. À l'époque, les médecins traumatisaient les malades. Mais d'affreusement et désespérément. Ils étaient désespérés, les gens. Les malades étaient désespérés. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Ça, c'est Antonin Artaud. Hein, c'est Antonin Artaud. Ouais. Les gens étaient désespérés dans le lit de l'hôpital. Ouais. Ils disaient que ce n'était pas normal l'exigence à l'exigence noire qu'elle faisait aux malades. Oui. Tu veux continuer un peu à commenter, Antonin Artaud, Bastien? Et c'est pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'exigence, c'est à apporter le soin qu'elle a besoin. Vous êtes aide-soignante et vous devez apporter aux malades les soins qu'elle a besoin. Donnez la parole un petit peu. Dites comment se soignent les patients dans l'hôpital. Oui. Du coup, chacun est différent, donc c'est pas du tout la même chose pour tout le monde. Il faut parler un petit peu plus proche du micro. Je disais que chaque patient est différent et le cas de chaque patient aussi est différent. Voilà, donc le soin que j'apporte à chacun des patients n'est pas la même pour tous. Donc moi, je fais selon ce... Je ne fais pas ce que je peux, mais je fais selon mes connaissances. Et c'était quelle maladie qu'elles avaient? Ben là, pour le moment, moi, je me suis occupée des personnes âgées le plus souvent. Ah, c'est des personnes âgées, ils avaient quelle maladie? Alzheimer. Elle déconnait de l'Alzheimer, ça c'est très grave. Ben, l'Alzheimer, c'est très fréquent chez... Ben, ça se guérit pas en quelque sorte. Ils avaient du mal à se guérir de l'Alzheimer. Ben non, moi pour moi, en quelque sorte, l'Alzheimer ne se guérit pas. Ça, c'est mon point de vue à moi. L'Alzheimer se guérit pas. Non. C'est ce que vous avez appris à l'hôpital. Non, c'est ce que moi, c'est mon point de vue à moi. C'est pas ce que j'ai appris. C'est vos points de vue. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Chez la personne qui est âgée. Surtout que la personne qui est âgée, ben, il n'y a pas d'amélioration. Voilà. C'est ce que je vois. Et c'est des gens qui criaient dans l'hôpital. Non, ça criait pas. Elle ne criait pas. Non, c'est des gens très normaux, qui sont très bien, ils font leur petite vie, ils font leur journée. Et voilà. Non, ça ne crie pas. Micro, micro, ouais, va, sinon on n'entend pas. Non, ici c'est tranquille. Sania, tu prends un micro pour parler parce que sinon on ne t'entend pas. S'il te plaît. De toute façon, j'aime pas mes microphones comme ça. On continue avec Arto, on veut quoi? Oui, vas-y, Sani, on t'écoute. Non, juste je demande la stagiaire, je demande il vient ici ou pas, elle m'a dit oui, c'est tout. Oui, elle vient faire. Oui, elle me demandait si j'aimais bien ici, ouais. Que tout se passe bien. Et ça te plaît d'être ici? Oui, très bien. C'est très plaisant ici. Je m'attendais à pire, mais ça va. Si tu touches le micro comme ça, on entend tout. Non, il ne faut pas faire comme ça parce qu'on entend tout à la radio. Ah, ok, d'accord. Tu peux faire une fois pour le... Bah, de toute façon, il ne marche pas bien, mais bon. Si, ça marche bien, on t'entend bien. Et qu'est-ce que vous avez comme expérience? Vous vous guérissez bien à l'hôpital? Qui est à l'hôpital? Ici, à l'hôpital Villèvre, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? On vous guérit bien? Si je suis hospitalisée, ça veut dire que je ne suis pas bien. Et on vous donne un Doliprane? Doliprane?